Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'Europe, une semaine raccourcie sur 3 jours. En cette période d'avant-élection européenne, plusieurs émissions de France Culture en effet prennent appui sur cette actualité pour vous parler d'histoire européenne. Culture Monde de Florian Delorme, qui à 11h par exemple chaque jour de cette semaine, se demande quels sont les angles morts de la campagne, comme l'énergie ce matin ou encore l'environnement demain. Et la Fabrique de l'Histoire donc, qui avant de vous parler jeudi 8 mai en direct de Londres des relations franco-britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un livre qui vient de sortir sur les courriers envoyés de Français envoyés à la BBC, bien pendant 3 jours, va vous évoquer pour vous certaines visions particulières du continent européen. Demain, nous débattrons à 200 ans de la défaite de Napoléon et de sa conception de l'Europe, en compagnie de Marie-Pierre Rey, Bénédicte Savoie, Alan Forrest et Luigi Machili Migliorini. Mercredi, nous discuterons des relations de l'Europe à la chrétienté avec Elisabeth Lucet, Michel Sault et Jacques Dallarin. Et ce matin, nous vous proposons un documentaire de Séverine Yatta et Séverine Cassard sur la signature des traités de Rome. Donc c'était en mars 1957, une archive en particulier qui a retransmis en direct la signature de ce traité en 1957 est à l'origine de ce documentaire, et cette archive est agrémentée des témoignages de Gérard Bossois, de Jean-Pierre Gouzy et de Jean Flory jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Les traités de Rome et la naissance du marché commun. On n'avait jamais auparavant mis ensemble des économies développées dans un système qui fédéralisait toute une série de décisions et de procédures, et par conséquent allait obliger tous ces pays qui avaient été ennemis presque tous entre eux à devenir un seul et même ensemble, économique d'abord, peut-être politique ensuite. Jean Flory. Le traité, on n'en avait jamais fait des comme ça. C'est un traité extraordinaire dans la mesure où le traité de Rome, celui de la CE, n'a jamais été remis en cause. Il a été augmenté, complété, il n'a jamais été retouché. C'est quand même extraordinaire pour une affaire aussi compliquée. Ensuite, il était porteur de beaucoup de choses et ça, les gens le sentaient, si bien que on est entré dans le doute et l'inquiétude, mais on y est entré. Voici la place de Venise. On voit apparaître au premier plan, tout à fait en bas de l'image, les cavaliers qui forment le sommet du monument dédié à Victor Emmanuel. Le 25 mars 1957, les traités de Rome sont signés par les 6 États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale allemande. C'est non loin de là que se trouve la résidence du Premier ministre. L'idée européenne s'est construite progressivement, mais s'impose de façon plus large après la Seconde Guerre mondiale, alors que certains dirigeants politiques souhaitent créer un espace de paix et de stabilité. Atlas antique. Le Congrès de la Haye, qui rassemble en 1948 différents partisans de l'unification de l'Europe, a pour conséquence la création du Conseil européen, première tentative vers la construction d'un avenir commun aux nations d'Europe. Il y aura ensuite la CECA, puis la Communauté européenne de défense, CED, dont l'échec de la ratification en 1954 semble mettre un terme à tout espoir d'intégration politique de l'Europe occidentale. Voici le Forum romain, l'un des premiers parlements du monde. Les artisans convaincus poursuivent cependant cette œuvre d'unification, qui aboutit à la signature historique, dans la capitale italienne, des traités instituant une communauté européenne de l'énergie atomique et le marché commun. Et voici le Capitole où les ministres vont signer, où ils vont parler, et qui est dominé par une statue de la ville. La radio-télévision française était sur place, bien sûr. Elle enregistre l'événement et recueille, entre autres, les discours de Gaetano Martino, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak ou Christian Pinault qui célèbre avec emphase cette coopération et son histoire. Vous étiez, Jean-Pierre Gouzet? Je n'étais pas au Capitole parce qu'il y avait là que pratiquement les journalistes accrédités, c'était pas en cette circonstance mon cas. Jean-Pierre Gouzy, journaliste et militant de longue date du mouvement fédéraliste européen. Il y avait tous les négociateurs, les experts, et il y avait évidemment les ministres et les représentants des gouvernements qui devaient signer. La France était représentée à Rome par deux personnages qui ont signé le traité. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Christian Pinault, qui est un socialiste. Il a toujours favorisé le travail de réédification européenne. Mais aussi Maurice Faure. Maurice Faure, qui vient de disparaître, qui vient de nous quitter, et qui était secrétaire d'État affecté à cette négociation, et qui a suivi et inspiré pour le gouvernement français cette négociation du début à la fin. Au niveau politique européen, les gouvernements sont stables. Enfin, en France, il y a de nouvelles élections. En janvier 1956, c'est un gouvernement dit de Front républicain qui arrive au pouvoir. Gérard Bossuat, professeur émérite de la chaire Jean Monnet d'histoire de l'intégration européenne à l'université de Cergy-Pontoise. On a un socialiste, Guy Mollet. Il y a un ministre des Affaires étrangères qui est Christian Pinault, qui joue un rôle très important, qui est socialiste aussi, résistant, etc. Enfin, bon. Et puis on a Maurice Faure aussi, qui est un jeune radical. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il y a dans l'équipe gouvernementale, dans l'équipe autour de Guy Mollet, donc c'est dans l'équipe du président du Conseil, on disait comme ça, Premier ministre à l'époque, il y a Marjolin. Et puis il y a aussi le chef de cabinet, cette fois-ci, Émile Noël. Donc Émile Noël est un jeune, extrêmement discret. Il avait 20 ans à peu près en 1944, donc là, il en a 30, un peu plus. Et il va faire le lien entre Marjolin, qui sera à Bruxelles pour négocier le traité, les affaires avec les autres, et Guy Mollet. Et donc, c'est cette équipe-là qui va monter, en quelque sorte, les traités de Rome. Et il deviendra le fameux secrétaire général de la Commission européenne. Hein. Et il va rester en place pendant 30 ans, hein, de 1958 à 1987. Donc, voilà l'équipe autour de Guy Mollet. Et moi, je crois beaucoup à l'action de ces hommes. Ce sont des gens qui sont conscients que la France seule ne peut plus imprimer sa marque comme elle faisait auparavant. Et l'exemple est donné. Novembre 1956, avec l'échec de Suez. Voilà une politique de la canonnière, du style 19e siècle, et qui échoue lamentablement. Et la France se rend compte en particulier qu'elle n'est plus capable d'imposer seule ses décisions, donc de jouer vraiment le rôle de grande puissance. Puis en même temps, jusqu'en 1960, la décolonisation se produit, sauf en Algérie malheureusement. Ça, c'est encore un autre problème. Mais il y a eu Bandung en 1955. Bon, bref, le gouvernement Guy Mollet est conscient que la période de l'Empire s'est terminée. Et je pense que c'est un élément qui entre en ligne de compte dans la signature des traités de Rome. Troisième raison, c'est le salut économique, en quelque sorte, de la France. La France est en grande difficulté économique et financière, et ça continue encore. Donc, abaisser les frontières, faciliter les échanges commerciaux sous un certain nombre de réserves, voilà son idée. Et il pense que le marché commun, ça va être ça. Vous voyez apparaître maintenant le bâtiment où les ministres sont déjà et d'où vous les verrez dans quelques minutes, c'est le palais des conservateurs. La statue en bronze est celle de l'empereur Marc Aurèle, guerrier puis philosophe, homme de paix. La légende veut qu'elle soit faite d'or et que quand l'or disparaîtra, ce sera la fin du monde. Je ne commente pas l'affluence, il est clair que la pluie n'a pas suffi à la décourager. Voici l'entrée du bâtiment, les tapisseries, le détail du combat des Horaces et des Curias qui figure dans cette salle qui porte ce nom, salle des Horaces et des Curias, et où précisément les ministres vont signer. Une foule d'auxiliaires, d'assistants, de techniciens, de photographes, de journalistes. Les autorités arrivent, voici le chancelier Adenauer, le premier à gauche, Konrad Adenauer était un personnage impressionnant pour un jeune homme que j'étais à l'époque. Jean-Pierre Gouzy. C'est un personnage qui paraissait un peu figé dans ses traits d'homme déjà âgé et sévère. Mais c'est un personnage qui a été fondamental pour l'Allemagne d'après-guerre. Il était au Congrès de l'Aix, à titre privé. Il a été l'élément essentiel de la réconciliation franco-allemande. Il a commencé avec Robert Schuman. Quand de Gaulle est arrivé au pouvoir, il a dû s'entendre avec le général et promouvoir une coopération franco-allemande particulièrement active dans le cadre franco-allemand et dans le cadre communautaire. À sa gauche s'assied le professeur Hallstein, secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République fédérale. À l'extrême droite, les délégués luxembourgeois, cet homme corpulent, cordial, c'est M. Beck, Premier ministre du Luxembourg. À lunettes, le professeur Martino, ministre des Affaires étrangères d'Italie. M. Maurice Faure, M. Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères de France. M. Paul-Henri Spaak, qui relève à peine d'une crise d'arthrite. Paul-Henri Spaak a été très grand européen de l'époque des années 50, 60, c'était un avocat bruxellois, bon vivant, un peu rond, avec un tonus extraordinaire, enfin quand il avait des colères homériques, il ne respectait pas ni les diplomates, ni les usages, ni les plénipotentiaires, mais c'était un tempérament. Il avait des idées très claires sur l'Europe qui devait être construite. Il a été un de ceux qui ont le plus contribué à vouloir une Europe de nature démocratique. En effet, il a été le président de l'Assemblée ad hoc, c'est-à-dire de l'Assemblée qui a préparé dès 1952, début 1953, des projets de communauté politique. On le retrouve à la tâche pendant tout le processus des traités de Rome. Il a présidé, d'ailleurs, ce processus. Sur le plan national belge, il était social-démocrate, socialiste, et il aimait la bonne chère. Voici de nouveau M. Beck, à sa gauche, honorevoli rappresentanti delle nazioni firmatarie. Umberto Tupini, maire de Rome. Desidero rivolgervi subito il saluto di Roma ed esprimervi la gratitudine l'ambassadeur de France est le monsieur qui se trouve dans la partie gauche avec des cheveux ondulés, une allure de poète. Et Roma a avuto sempre il vanto di esprimere nella storia, fin dalla sua fondazione, salve brevi parentesi, un'idea universale. Sans remonter, Gérard Bossuat, très loin, hein, parce que tous ces traités, enfin cette construction européenne, elle va aller vite d'une certaine manière. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte peut-être au congrès de La Haye, qui se situe donc juste après-guerre, en 1948, qui va réunir beaucoup de personnalités très importantes, des chefs d'État européens. Le congrès de La Haye, ça représente une sorte de moment très important de mobilisation des opinions publiques pour faire une Europe politique. Mais il y a tout un débat pour savoir si elle sera fédérale ou si elle sera confédérale. Et finalement, il en sort un traité qui construit le Conseil de l'Europe. Mais dans ce Conseil de l'Europe, finalement, ce sont les États qui ont le dernier mot. Donc c'est un échec de ce point de vue-là, au niveau non pas de l'idée européenne. L'idée européenne, elle vit à travers eux, parce que je vous rappelle quand même que l'idée d'Europe, elle a été monopolisée par Hitler pendant la guerre. Et donc, c'est aussi une manière de dire qu'on peut faire l'Europe d'une autre manière que la manière dont Hitler l'a conduite, évidemment, avec les horreurs que l'on connaît. Je pense aussi qu'un certain nombre de gens qui étaient à La Haye en mai 1948, c'est une génération qui a pu connaître aussi le plan Briand, c'est-à-dire une première tentative, finalement, de faire une Europe fédérale. Donc là, il y a un lien. À cette époque-là, j'étais très jeune. 1948, j'avais 23 ans. J'étais membre de plusieurs, de deux au moins, mouvements fédéralistes. Il y en avait, je crois, 11. C'était dans l'air du temps. Il y a eu une sorte de germination, comme il y en a au printemps, Comme d'ailleurs, on verra, l'Europe redevient dans l'air du temps avec le traité de Rome. Il y a des périodes comme ça. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, le choc extraordinaire, l'appel de Churchill, tiens, un Britannique qui demande de faire les États-Unis, une sorte d'États-Unis d'Europe, les gens étaient à l'écoute. Il y a eu un moment de curiosité, d'intérêt, sortir de la résignation. Et surtout, ne pas recommencer les erreurs qui avaient été faites avec le traité de Versailles et ce qui s'en suivit. Et également, veiller à la réconciliation avec l'Allemagne. L'Allemagne, à cette époque-là, c'était les années zéro. Alors Jean-Pierre Gouzy, vous étiez, vous, au congrès de La Haye. À cette époque, je débutais dans le journalisme. J'avais été envoyé à La Haye par mon journal parce qu'il n'y avait pas de correspondant. Il m'avait demandé de couvrir ce que j'ai fait. Et cet événement était pour moi marquant. À partir de là, j'ai eu un faible pour tout ce qui était la politique internationale et de façon plus précise, la politique relative à la construction européenne. En tous les cas, à ce congrès de La Haye, déjà on perçoit deux courants. Effectivement, il y avait deux grands courants. Beaucoup des personnalités qui étaient là étaient des personnalités que je classerais plutôt parmi les unionistes, d'ailleurs à l'image un peu de Churchill, et notamment parce que le congrès de La Haye a été largement pris en main par les Britanniques derrière Churchill. Donc il y avait cette aspiration, une Europe unie, encore un peu floue, encore un peu vague, mais basée sur les droits de l'homme, avec un minimum d'institutions. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'est sorti par la suite à Strasbourg le Conseil de l'Europe. Puis il y avait, notamment dans la délégation française, notamment dans la représentation syndicale, notamment également parmi nos amis italiens, certains belges, allemands, etc., il y avait ce qu'on appelle les fédéralistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient en même temps construire une véritable entité politique européenne telle que, non pas ce qu'elle est devenue exactement, malgré tout, on est un petit peu dans le prolongement atténué de cette idée, c'est-à-dire l'idée d'un exécutif, d'un législatif, d'une Cour des droits de l'homme, d'un contrôle démocratique, etc. Alors, qui a cette délégation française, Jean-Pierre Gouzy, au moment du congrès de La Haye, hein ? Alors, la délégation française comprenait environ 140, je crois, personnes, n'est-ce pas ? C'est assez considérable. Il y avait des militants, des professeurs, des jeunes, des cadres, des élus locaux. Il y avait des personnalités politiques, par exemple, pour le courant socialiste, un ancien président du Conseil des ministres, M. Ramadier, l'ancien président du Conseil de la Troisième République, Paul Reynaud, des personnages qui refaisaient surface à ce moment-là. Et il y avait aussi de grands intellectuels, comme Alexandre Marc, Denis de Rougemont. Il y avait des personnalités de l'Assemblée nationale. Il y avait des personnalités du Sénat, qui s'appelait à cette époque le Conseil de la République, etc. Siamo qui convenuti in questo luogo suggestivo che simboleggia per tutte le genti una delle più fulgide tradizioni di universalità e di civile progresso. C'è maintenant Monsieur Martino, ministro degli Affari Étrangers d'Italie, qui parla. Il rappelle les origines historiques du traité, la conférence de Bessine en juin 1955, dans laquelle fut lancée pour la première fois la proposition de l'alliance européenne et dans laquelle fut lancée une nouvelle voie pour l'unification de l'Europe. Il est juste, dit-il, de se rappeler le mur de désillusion et de scepticisme qui fut abattu alors et avec quelle rapidité relative cette première décision a permis d'aller aussi vite qu'on a pu le faire jusqu'ici. Il rend hommage à la sagesse et au courage de M. Paul-Henri Spaak, bon ouvrier de l'Europe, et au rôle important qu'il a joué dans la rédaction des deux traités. Nous sommes encore en présence, dit-il, de difficultés nombreuses et graves, mais nous arriverons à les surmonter. Avant ces traités de Rome, il y a cette période, 48-57, une dizaine d'années, il y a notamment deux choses importantes qui se passent, c'est la CECA, Jean-Pierre Gouzy, et puis la CED. Absolument. La CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est une création qui doit tout, ou presque tout, à l'imagination, à la fertilité d'esprit et à la ténacité de Jean Monnet, inspirant Schuman, qui a joué un rôle politiquement essentiel, parce que s'il n'y avait pas eu un ministre français des Affaires étrangères pour en présenter le projet au Quai d'Orsay le 9 mai 50, probablement les choses ne se seraient pas développées. Il fallait qu'un pays comme la France prenne une initiative. La CECA s'installe à Luxembourg, elle crée un premier marché commun sectoriel du charbon et de l'acier. Pourquoi charbon, pourquoi l'acier? Parce que c'était les deux grandes industries de base de l'époque, n'est-ce pas? La Ruhr, la Rhénanie, tout ça, c'était la Sarre. C'était là que nous puissions notre potentialité énergétique. Et donc, Monnet avait eu cette idée originale, plutôt que de faire des industries parallèles pour redresser l'Europe occidentale, faisons-le en commun. D'où l'idée d'un premier marché commun, contrôlé supranationalement, le mot est de Monnet, et donc d'où l'aventure de Luxembourg. Et Luxembourg, vous avez en germe d'ailleurs ce que sont les institutions européennes actuelles. Vous avez une haute autorité, c'est un exécutif, vous avez un premier contrôle parlementaire, élu au suffrage universel, mais représentatif des parlements nationaux. Vous avez une cour de justice, etc., etc. La CECA, qui a été considérée à l'époque comme un acte tout à fait remarquable, puisque c'était la grande réconciliation franco-allemande, n'était en même temps pas très comprise et pas très connue, parce que c'était compliqué, ces histoires de charbon et d'acier qui se mettaient en place, on n'y voyait pas très clair. Donc, bon, on suivait ça dans la presse, mais sans grande passion. Jean Flory, chef de cabinet de Robert Marjolin, commissaire européen de 1958 à 1967. Ce qui a tout réveillé, c'est la CED, son échec. La France avait été en grande partie à l'origine et c'est elle qui l'a rejeté. Donc ça a été un véritable traumatisme à l'intérieur de chacun des partis et ça, tout citoyen devait le vivre en disant qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et c'est là d'ailleurs où on voit la capacité de rebondissement extraordinaire de l'idée européenne. C'est que 2 ans après l'échec de la CED, on mettait en route Messine et la construction des traités de Rome, CE et Euratom, Euratom ayant connu des destins plus difficiles. Alors la CED... Jean-Pierre Gouzy. Mais la CED était dans le prolongement un peu des premières initiatives européennes, parce que le problème s'est posé très vite du réarmement de l'Allemagne. On était en pleine guerre froide. À un moment donné, on arrive à la guerre de Corée. La guerre de Corée, ça paraît le bout du monde et aucun rapport avec nous. Mais si, parce que les Américains interviennent en Corée, nous envoyons des troupes en Corée. Déjà, nous étions Français impliqués au Vietnam, et Dieu sait que ça a duré des années. Et les Russes, surtout les Chinois, sont intervenus en Corée. Donc il y a eu une menace véritable de guerre mondiale. À ça s'ajoutait le fait que Staline durcissait ses positions à l'égard des Occidentaux, d'où le blocus, par exemple, de la ville de Berlin. Tous ces facteurs ont contribué à créer ce qu'on appelle une guerre froide. Et donc, les hommes politiques de cette époque se sont dit qu'il faut quand même impliquer l'Allemagne dans la défense des pays libres du continent, mais si on le fait sur le plan national, on risque de voir réapparaître un état-major national allemand. Et de mauvais souvenirs attachés à tout ça, essayant de faire une armée européenne. L'idée française, elle a été proposée par l'Assemblée nationale quant à ses principes, à un vote majoritaire, et elle a été rejetée par la France, par l'Assemblée nationale française, le 30 août 1954. L'échec de la CED a menacé toute cette idée communautaire dans sa substance. Il demeurait une communauté charbon de l'acier à Strasbourg, mais il manquait un pilier essentiel et on a craint à un moment donné l'échec complet de cette première tentative d'Europe structurée de l'après-guerre. Si nous voulons réaliser des institutions européennes, il faut que nous surmontions des résistances en nous-mêmes, il faut que nous surmontions les égoïsmes, il faut que tous Gaetano Martino, ministre italien des Affaires étrangères. L'unité que nous recherchons n'est pas une menace pour le monde extérieur. Nous voulons nous unir afin de pouvoir, en coopération avec les autres, réaliser cet idéal européen qui sera de nature à apporter une solution au problème même de l'humanité en vue de la création d'une société universelle. Ce sont là les vœux et les souhaits que porte en son cœur le gouvernement italien au moment où il signe le traité de la Communauté économique européenne et de l'Euratom. Puisse l'esprit qui nous a animés jusqu'à présent continuer à nous animer pour conduire nos peuples sur la voie de la paix, de la liberté et de la justice. Le chef de la CED, c'est un grand vide. Pour ceux qui s'étaient lancés dans cette aventure, moi je m'en souviens, j'étais complètement, vraiment sonné par cette histoire-là. Et puis, les 6 pays fondateurs se sont repris. Et c'est extraordinaire de penser que dès l'année 1955, on les voit qui se réunissent autour de 2 idées. La première venait surtout des Néerlandais, qui voulaient construire, sans savoir encore très bien ce qu'on mettait là-dedans, un marché commun. La tradition marchande des Pays-Bas, sans doute, jouait beaucoup, etc. Et une autre idée d'avant-garde pour l'époque, c'était l'idée de construire une industrie européenne nucléaire pour la paix et de le faire selon les mêmes normes qu'un futur marché commun généralisé et selon un schéma approchant celui de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Luxembourg. C'est encore un Français, Jean Monnet, et un autre Français également, Louis Armand, qui ont en quelque sorte généré ce projet original. Avec ces deux projets en poche, si je peux dire, ils vont se rencontrer à Messine. D'abord, ils se rencontrent à Taormina, dans un endroit merveilleux, auprès du détroit, au milieu des amandiers en fleurs de l'époque, etc. C'est très beau paysage, apaisant, si je puis dire, par définition. Puis ils vont travailler à Messine toute la journée. Et puis, ils vont faire un grand dîner aux chandelles, dans une abbaye de l'endroit. Et puis, ils vont reprendre leur travail entre 2 et 4 heures du matin et aboutir à l'aube à un projet qui va servir de premier schéma pour construire ce qui va devenir la Communauté économique européenne ou marché commun, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou Euratom. Les gouvernements se décident en effet à aller dans cette voie. Les experts et les ministres se réunissent près de Bruxelles, à Val-Duchesse. Ils vont travailler là-bas. Ils vont se réunir à nouveau à Venise. C'est également un Français, un Belge et un Allemand, les 3 grands experts du traité de Rome, de Communauté économique européenne, qui vont fignoler tout ce travail à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'avais choisi là aussi un beau site, l'hôtel Beaulieu, de façon à pouvoir travailler dans un cadre aimable et reposant. Et puis, ça va aboutir à 2 projets de traité qui vont être adoptés à Venise, dans les principes, et puis surtout signés à Rome. Alors, ce projet à Messine, c'est une réunion, en fait, des chefs de gouvernement, disons, des 6 pays membres de la CECA. Donc, c'est une réunion des ministres de la CECA. Et il y a l'idée, effectivement, d'une relance. Gérard Bossuat. Alors, quels sont les projets? Les projets, c'est l'idée d'une sorte de CECA pour l'atome. Donc ça va devenir l'Euratom, mais les Français vraiment insistent beaucoup là-dessus. Il y a l'idée aussi d'une union des transports. On imagine même une sorte de compagnie européenne d'aviation, etc. Et puis il y a l'idée du marché commun, c'est-à-dire d'abaisser les droits de douane d'abord entre les différents pays, les faire disparaître, et ensuite aller vers une véritable union douanière. Et donc il y a cette réunion des ministres qui, en effet, accepte de relancer l'Europe. Et il confie le soin de cette relance européenne à Paul-Henri Spaak, qui va être chargé de rassembler, dans le cadre d'un comité intergouvernemental, comme on dirait, les idées des uns et des autres. Et tout ça se passe au cours de l'été 1955. Paul-Henri Spaak. Je voudrais essayer de modérer ma joie et de limiter mon enthousiasme, fondé cependant sur ma conviction et mon espoir. 25 mars 1957, si nous parvenons à poursuivre et à achever l'œuvre dont nous consacrons aujourd'hui une étape essentielle, sera une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe. Mais avant de la célébrer, il me paraît juste qu'un instant notre pensée se fixe sur la mémoire des disparus ou sur le souvenir des absents, Monsieur de Gasperi et le comte Sforza, Robert Schumann, Guy Mollet, Jean Monnet, von Brentano, sans lesquels, animateurs et artisans de l'Europe unie, nous n'aurions pas réussi dans notre entreprise. Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et leur atome vont naître. Qu'est-ce que cela signifie ? Tant de choses. Et d'abord, l'affirmation solennelle d'une solidarité profonde entre six peuples qui, si souvent, au cours des temps, se sont trouvés dans des camps opposés, dressés les uns contre les autres sur les champs de bataille, et qui maintenant se rejoignent et s'unissent à travers la richesse de leur diversité pour la défense d'un même idéal humain. Car à travers l'économique et la technicité, c'est bien de cela qu'il s'agit. La disparition des droits de douane, des tarifs extérieurs communs et tant de choses compliquées et quelquefois mystérieuses ne doivent pas nous cacher la claire réalité des faits. Il s'agit, c'est vrai, du bien-être matériel de nos peuples, de l'expansion de notre économie, du progrès social, des possibilités industrielles et commerciales totalement nouvelles. Mais grâce à tout cela, il s'agit avant tout de défendre et de sauver une civilisation des règles morales, une conception de la vie à la mesure de l'homme, fraternelle et juste. Quand on parle des traités de Rome maintenant, interrogez n'importe qui, vous parlera du marché commun. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Et quelle stupéfaction quand les étudiants, enfin stupéfaction, n'exagérons pas, mais ils sont étonnés quand on leur dit qu'il y a deux traités de Rome. Il y a le traité de CE, Communauté économique européenne, et le traité d'Euratom, d'Europe atomique. Alors, pourquoi les Français insistaient-ils tant sur Euratom ? Parce qu'il y a l'idée que l'énergie atomique, c'est quelque chose de merveilleux, que ça va régler tous les problèmes de dépendance énergétique. Autre raison, dans certains cercles français, chez des militaires, ce sont des gens qui pensent à l'arme atomique. Et ils font tout pour la développer. Au CEA, un certain nombre de gens considèrent qu'on peut faire la bombe atomique. La décision a été prise en décembre 1953. C'est la possibilité d'aller dans deux directions, vers le civil ou vers le militaire. Mais on laisse la porte ouverte. Et finalement, Guy Mollet, au départ, lui qui est contre, laisse la possibilité de développer la bombe atomique. Et elle est préparée, cette bombe atomique. C'est le gouvernement Gaillard qui, en avril 1958, programme l'explosion de la première bombe atomique pour les premières semaines ou les premiers mois de 1960. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf que De Gaulle a dit « c'est moi ». Et ça, c'est une erreur historique. C'est la 4e République qui a préparé la bombe atomique. Et donc, Euratom, là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, il est très clair que Euratom ne peut pas être une organisation à des fins militaires. Mais si elle ne peut pas être une organisation à des fins militaires, elle peut être quand même une organisation capable, par exemple, d'acheter des matériaux fissiles, de raffiner ces matériaux, et en particulier, elle pourrait très bien, cet Euratom, créer une usine de séparation isotopique. Pour être simple, c'est une usine qui permet de passer de l'uranium naturel, de l'uranium 238, à de l'uranium 235. Mais ce que les Français pensent, c'est que l'Europe va pouvoir leur donner la possibilité d'avoir à bon prix du matériau ou de créer cette usine de séparation isotopique qu'ils n'auraient donc pas besoin de financer. Donc ils attendent cet Euratom pour ça. Voyez ? Alors là-dedans interviennent les Américains. Ils savent parfaitement bien que les Français sont capables de faire la bombe atomique. On a dans les télégrammes de l'ambassade de France à Washington, c'est dit clairement. Et la position de Monnet, c'est de dire aux Américains, encouragez les Européens à faire une Euratom parce que vous aurez des garanties concernant la non-dissémination des matériaux fissiles. En fait, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire dès 1956, les Américains se rendent compte que les Français n'accepteront jamais Euratom Mais ils n'accepteront jamais non plus la CE dans la foulée si ils ne sont pas libres de faire une bombe atomique comme ils l'entendent. Cette fois, les hommes d'Occident n'ont pas manqué d'audace et n'ont pas agi trop tard. Paul-Henri Spaak. Le souvenir de leur malheur et peut-être aussi de leur faute semble les avoir inspirés, leur a donné le courage nécessaire pour oublier les vieilles querelles, bouleverser les traditions désuètes, pour leur permettre de penser et d'agir d'une manière vraiment neuve et pour réaliser la plus grande transformation volontaire et dirigée de l'histoire de l'Europe. Ils ont fait une grande chose et ils l'ont faite, ce qui est remarquable et peut-être unique, en répudiant tout usage de la force, toute contrainte et toute menace. C'est cela, ce seul appel à l'intelligence, à la sagesse, à la solidarité, qui donne son véritable aspect à notre œuvre. C'est en cela qu'elle est vraiment de notre temps, une manifestation éclatante des possibilités d'une civilisation au passé si lourd de grandeur que tout à coup, une prise de conscience nouvelle fait apparaître, si pleine de jeunesse et d'espoir. Et voici maintenant que nous achevons la première étape de notre œuvre, celle de la décision. Nous voudrions la livrer à la jeunesse de nos pays pour qu'elle réalise les promesses de l'avenir. Aucun endroit ne pouvait mieux convenir que la ville éternelle pour être le précieux témoin de nos espoirs. Rome, qui a la vocation de l'universel, devait être le seuil de l'Europe. Savourons un moment de triomphe au Capitole, sans oublier la phrase que l'esclave murmurait aux généraux vainqueurs « Souviens-toi que tu es mortel ». Dans la fragilité humaine et dans le succès de cette grande entreprise, dans cette heure apaisée et heureuse, tâchons de léguer au futur la source d'inspiration que nous puisons dans l'immortel passé. Adenauer et Spaak souligne le fait que voilà, cette communauté, c'est une garantie de la paix. Si vous voulez, comme dans toute chose, vous le savez bien, nous le savons tous, il y a toujours nécessité d'avoir un effet d'annonce, il faut annoncer quelque chose. Gérard Bossua. Et pour que ce soit retenu par les gens, il faut que ce soit grand et beau. Alors qu'est-ce qui est grand et beau dans les traités? C'est la paix, effectivement, il apporte la paix. Mais il apporte plus que la paix, il apporte une promesse en quelque sorte de prospérité. Avec le marché commun, avec l'euratome, avec l'énergie en abondance. Après, quand on rentre dans les détails, un certain nombre d'opposants au traité de Rome ont considéré que le traité de marché commun risquait de développer les inégalités au sein de la communauté économique européenne. Dans la mesure où le marché serait libre à l'intérieur de ce marché commun, et donc que les régions les plus développés continueraient à se développer. Ça, c'était l'argument de Mendès-France pour dire non au traité de Rome, et c'est ce qui a justifié son vote d'opposition. Il l'a regretté un an après, il l'a écrit. Il se rendait bien compte aussi que ce n'était pas une position tenable dans la mesure où le traité avait prévu un certain nombre de correctifs. Il y a un fonds social européen qui a été créé pour ça. Ce que les traités aussi ont apporté, c'est de nouvelles relations avec les pays et territoires d'outre-mer, puisque un FED, un Fonds européen de développement, a été créé pour 5 ans, d'un montant de environ 580 millions de dollars, enfin l'équivalent. Et la signature des traités de Rome était une sorte de garantie que la France se donnait, qu'elle ne serait pas seule dans cette décolonisation. À partir du moment où vous faites accepter par vos partenaires une cotisation importante, c'est quelque chose qui montre que vous intéressez nécessairement les pays partenaires à votre propre histoire, et ils acceptent. Certains l'ont fait de très mauvaise grâce, comme les Hollandais, c'est clair, mais ils l'ont fait quand même. Et donc, c'était une manière de se décharger du fardeau de la décolonisation. De même que pour le traité de Rome, il y a aussi tout un volet social qu'on a complètement oublié, et la position politique française est très claire. Il négocie par exemple l'augmentation du paiement des heures supplémentaires, hein, plus 25% après 40 heures, plus 50% après 48 heures. Enfin, c'était la position de départ, ça n'a pas été tenu. Mais il y a ce souci de garantie sociale. Et est-ce qu'il y a ce souci aussi, Gérard Bossua, dans les traités de Rome, de coopération culturelle déjà? ou pas ? Non, non, il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien ? C'est qu'il y a le Conseil de l'Europe, qui s'est un peu spécialisé dans le domaine culturel, dans la question identitaire de l'Europe, qu'est-ce qui nous rassemble, nos racines communes, etc. Non, moi, ce qui m'évoque la culture, je vais vous le dire, c'est Euratom. Parce que dans le traité d'Euratom, il est prévu, il y a un article qui a été introduit à la demande des Allemands pour créer une université européenne. C'est dans le traité d'Euratom, c'est pas dans le traité de marché commun, c'est pas autre chose. De Gaulle n'en voulait absolument pas et il a fallu attendre beaucoup plus tard pour qu'on crée un institut d'études européennes à Florence. Et puis après, il y a eu aussi, à mon avis, Erasmus. Enfin, on peut dire que c'est du domaine de la culture, mais ça, c'est Jacques Delors. Et encore, la Commission remettait souvent en question ces crédits-là et le Parlement les rétablissait. Heureusement que le Parlement était là. C'est un succès, Erasmus. Christian Pinault, ministre français des Affaires étrangères. Ceux qui furent autrefois les plus réticents à l'égard des projets d'édification de l'Europe, mais qui ont compris les leçons que nous ont données trop d'événements récents, sentent aujourd'hui, comme nous, que le 25 mars 1957 constituera une des plus importantes dates de l'histoire de notre continent. La création de l'Euratom et du marché commun nous obligera, sans doute, à surmonter bien des difficultés politiques et techniques. Mais les résultats que nous pouvons attendre de ces deux traités, si nous avons, comme je l'espère, le courage de les appliquer dans leur esprit, sont tels qu'ils transformeront complètement les conditions de vie des populations de nos six pays. L'expérience de la dernière guerre a montré, plus particulièrement pour la France et l'Allemagne, que la désunion de l'Europe avait pour conséquence automatique de faire rétrograder, tant sur le plan politique que sur le plan économique, les puissances en conflit par rapport aux grandes puissances d'outre-Atlantique et de l'Est de l'Europe et de modifier ainsi dangereusement l'équilibre du monde. Mais au moment où nous allons signer à Rome, dans cette salle illustre du Capitole, ces deux traités, il importe de ne pas laisser s'établir dans le monde une confusion sur nos intentions. Sans doute, les six pays en s'unissant veulent-ils accroître leur capacité de production et accélérer le rythme de leur développement économique. Ils n'entendent pas pour autant s'isoler du reste du monde et dresser autour d'eux des barrières infranchissables. La France, malgré les difficultés que les circonstances l'obligent actuellement à surmonter, signe sur ce point les deux traités dans le même esprit que ses partenaires. Il faut que nous proclamions une fois de plus notre désir d'associer d'autres pays à l'édification européenne, notamment la Grande-Bretagne, sans laquelle l'Europe que nous voulons construire serait incomplète, et de développer notre collaboration politique et économique avec l'ensemble du monde libre. Dans son discours, Christian Pinault aussi met en valeur la question de la Grande-Bretagne dans cette construction européenne, Jean Flory. Le problème de la Grande-Bretagne s'est posé avant, pendant, après et maintenant. Donc on n'en est toujours pas sorti. Du fait même, d'ailleurs, des Anglais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Le traité de Rome est très clair. Il dit « La communauté européenne est ouverte à tous les États européens qui remplissent les conditions d'adhésion, c'est-à-dire un développement économique suffisant et une démocratie réelle. » La Grande-Bretagne avait, à deux reprises, lancé quand même l'idée de l'Union européenne. Une première fois, on l'a quand même oublié en 1940, quand Churchill, sous la pression de Jean Monnet, a proposé au gouvernement français de fusionner les deux pays complètement, les gouvernements, tout. Et à l'époque, bon, le maréchal venait d'arriver au pouvoir et bien entendu, il a rejeté complètement cette proposition. En 1946, après la guerre, Churchill a fait un discours assez célèbre à Zurich, dans lequel il était pour une communauté européenne qui fasse oublier tous ces désastres de la guerre et toutes les inimitiés qui ont été nées, tout en réservant quand même la possibilité pour l'Angleterre d'y entrer ou de ne pas y entrer. On commençait déjà à avoir des petits bémols. Après quoi, l'Angleterre a dit deux fois non à la communauté. Une première fois parce qu'elle a participé à la totalité des négociations qui ont établi le traité CECA, mais a refusé de le signer. Et une deuxième fois parce qu'elle a commencé à participer aux négociations de la CEE, Puis, au milieu de cette négociation, le délégué britannique s'est levé en disant « Tout ça est complètement irréel, ça ne marchera jamais. Par conséquent, nous perdons notre temps et je me retire. » Alors, après quoi, Grande-Bretagne a reposé sa candidature en 1962, mais dans des conditions un peu compliquées, ça patinait, ça n'avançait pas. On sentait très bien que l'impétus n'y était pas du côté anglais, et les Français, de manière d'ailleurs unilatérale, ce qui était extrêmement fâcheux dans une communauté qui décidait toutes ces choses assises, on dit « nous arrêtons les négociations avec la Grande-Bretagne ». Ça fait un premier drame, d'ailleurs, entre les États membres. Et puis, les Anglais ont reposé leur candidature, je crois que c'est en 65, où de nouveau, ça s'est interrompu très vite, parce qu'on n'avançait pas. Et puis après ça, alors il y a eu le bon processus qui a conduit à l'adhésion avec quelques pays scandinaves. Et nous sommes maintenant 28 pays. Et tandis que les cloches du Capitole sonnaient, a eu lieu la signature des traités qui s'est faite très rapidement dans l'ordre suivant. Monsieur Spaak et le baron Snoy, Messieurs Pinot et Maurice Faure, le chancelier Adenauer et Monsieur Hallstein, Messieurs Segni et Martineau, Monsieur Bech et Schaus, Messieurs Luns et Bormann. Ainsi s'est terminée la cérémonie du Capitole. Dans l'après-midi, tous les ministres avaient assisté à la basilique Saint-Laurent à l'inauguration d'un monument sur la tombe d'Alcide de Gasperi. Les ministres se retrouveront ce soir au Palais de Venise pour une réception donnée par le président Segni. Ici Rome, Radiodiffusion Télévision Française. Beaucoup de facteurs jouent en faveur de la ratification des traités. Et les traités de Rome ont été négociés avec beaucoup de bon sens. Pour moi, qui était fédéraliste et qui le suis resté d'ailleurs, le traité de Rome ne nous apportait pas ça. Mais le traité de Rome nous apportait une sorte, je dirais pas de garantie, mais de semi-certitude que nous irions quand même un jour plus tard dans cette voie. Voilà ce qui me paraît expliquer le pourquoi de cette adhésion à deux tiers à peu près de la nation française au traité de Rome. À Paris, ce matin, à la suite de l'adoption définitive des traités européens, 25 juillet 1957, a eu lieu une cérémonie devant la statue d'Aristide Briand, le précurseur de l'Europe. Y assistait pour nous Pierre Delagarde. Ce matin, à 12h15, a eu lieu une cérémonie devant la statue d'Aristide Briand pour commémorer la ratification du marché commun et de l'euro-atome. Parmi les personnalités présentes, l'on pouvait remarquer M. Bourgès Monoury, président du Conseil, M. Pinault, ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Daniel Meyer, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Marcel Plaisant, président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la République. À l'issue de la cérémonie, M. Pinault a bien voulu nous dire ces quelques mots. Il était tout à fait naturel, après le vote à une très large majorité par le Parlement des traités européens, que le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, en présence de M. le Président du Conseil, rendissent hommage à M. Aristide Briand, qui fut le premier champion de l'Europe unie dont nous assistons aujourd'hui à la Constitution. Et cet ensemble a pu démarrer dans de bonnes conditions à Bruxelles, le 1er janvier 1958. Et vous, Jean-Pierre Gouzy, alors qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis à cette époque secrétaire général du mouvement fédéraliste européen en France. J'ai un président qui s'appelle Henri Fonnet, qui a été un des grands de la résistance française, qui était officier de carrière et qui était plutôt d'origine militaire. Mais c'était un homme politique aussi. Et nous avons en France, parmi d'autres, contribuer à éveiller l'opinion publique à ces ouvertures européennes, à cet éclairage européen des choses. Et beaucoup d'entre nous ensuite vont choisir de faire carrière à Bruxelles, tandis que d'autres préféreront garder, ça a été mon cas, leur liberté d'analyse, de critique, à la disposition de l'idée européenne elle-même, qui avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Un beau matin, les 9 personnes qui constituaient la commission se sont retrouvées dans un immeuble à Luxembourg en se demandant bah, comment est-ce qu'on prend le bébé. C'est quand même un énorme traité, comment est-ce que ça va se faire? Et cette équipe de 9 personnes s'est retrouvée autour de la table a décidé de se retrouver tous les mercredis matin. Le président était Hallstein, qui avait été le négociateur du traité du côté allemand. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de se partager les compétences, mais avec un système quand même qui malheureusement a été très largement abandonné, mais qui a bien fonctionné au début, où il y avait des groupes par grandes compétences, il y avait un groupe économique, il y avait un groupe relations extérieures, il y avait un groupe juridique, etc., qui était un leader et deux autres commissaires. Et toutes les décisions étaient prises collégialement, comme celle par exemple, pour en prendre une agréable, de l'accélération de la mise en œuvre du traité de Rome. C'est des gens de débat qui pouvaient prendre plusieurs réunions de la commission et ils se revoyaient ensuite entre eux. C'était très collectif. Derrière, il y avait les cabinets qui faisaient tout le travail de préparation dans la mesure où ils se réunissaient avec la même régularité et voyaient tous les points d'ordre du jour de la commission. Et quand il n'y avait aucune difficulté sur un point, on le mettait ce qu'on appelle en point A, c'est-à-dire que ça passait en procédure orale en une minute. Et puis après ça, les vraies questions étaient discutées en point B. Et c'était là que se passaient les débats. Et il y avait beaucoup de décisions à prendre parce que c'était à la fois des grandes décisions d'orientation sur l'ouverture des marchés, sur l'élaboration du tarif extérieur commun, sur les négociations avec les pays tiers, la politique agricole commune qu'il a bien fallu mettre en route. La Commission, en 3 ans, a élaboré une révolution plus importante en matière agricole qu'on ne l'avait jamais fait dans l'économie de nos pays. L'institution des marchés, les uns après les autres, un marché très régulé, avec des prix communs, des modalités de circulation, des aides éventuellement dans certains cas. Tout ça s'est fait à toute allure. En quelques années, enfin en 3 ans, pratiquement, c'était fait. Et je pense qu'on ne pourrait plus jamais faire ça. Ce serait impossible. Il y a eu un état de grâce incroyable. Les gens y croyaient, ils ne voyaient pas toutes les conséquences, et ils se demandaient si ça allait marcher. Mais ils ont suivi. Merci à Gérard Bossuat, Jean-Pierre Gouzy et Jean Flory. Prise de son, Tristan Gratalon. Mixage, Arnaud Chapat. Les traités de Rome et la naissance du marché commun, un documentaire de Séverine Yattard et Séverine Cassard. Demain, nous poursuivons notre semaine consacrée à l'Europe, alors que Culture Monde fait de même du côté des angles morts de l'Europe aujourd'hui. Et bien demain, nous traiterons de Napoléon et l'Europe avec Marie-Pierre Rey, Alain Forest, Bénédicte Savoie et Luigi Machili Migliorini. Et si vous voulez écouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger pendant l'année qui suit et également laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter. À demain donc.